Salut Daphné! Salut Claire, ça fait longtemps que tu m'attends? Non, ne t'inquiète pas, j'étais en train de lire les messages que j'ai reçus sur Facebook. Ah bon, alors c'est pas grave si je suis en retard parce que, vu le nombre d'amis que t'as, si chacun t'envoie un message par semaine, il te faut toute la semaine pour les lire. Mais non, tu exagères. D'ailleurs, je n'ai pas tant d'amis que ça. Je dirais une centaine. Bon, cela te semble beaucoup, mais il y a plein de gens qui ont plus de 1000 amis. Tiens, en parlant de Facebook, tu verras, j'ai mis l'invitation à mon anniversaire sur ma page. Mais tu ne devrais pas. Cela peut être dangereux. Imagine si quelqu'un que tu ne connais pas très bien, par exemple l'ami d'un de tes 100 amis, voit l'invitation et décide de venir avec des gens bizarres. Tu te retrouves avec des gens que tu n'as pas invités et qui peuvent te créer des problèmes. Oh là là, tu imagines toujours des scénarios catastrophes. N'empêche que je me suis rendu compte que je peux difficilement me passer de regarder mon mur sur Facebook, de consulter mes messages sur mon portable ou d'envoyer des tweets. Bon, ça va. Je sais que tu es accro aux nouvelles technologies. Mais parlons plutôt de ton anniversaire. Tu as invité qui finalement?